Reprenons encore une fois. Pour les verbes porte-manteau, il existe deux participes, deux manières de plonger dans le passé. Prenons par exemple « wollen ». « Wollen » peut être employé seul, comme verbe à part entière, comme par exemple quand on dit « j'ai voulu », non pas « j'ai voulu faire, dire, etc. », non, simplement « j'ai voulu ». Alors on dira « ich habe gewollt ». Mais « wollen » peut aussi être un verbe porte-manteau, auquel accrocher un autre verbe, comme dans « ich habe es tun wollen »,« j'ai voulu le faire ». Dans ce cas, donc quand « wollen » est employé comme verbe porte-manteau, pour dire « voulu », on emploiera la forme de l'infinitif « wollen ». Donc, encore une fois, « j'ai voulu le faire », ça sera « ich habe es tun wollen ». Bien, « ich habe es tun wollen ». De la même manière, « j'aurais voulu le faire » se dira « ich ». Ich hätte, oui. Ich hätte es tun wollen. Bien, ich hätte es tun wollen. Voilà pour le conditionnel. Voyons aussi le passé. Par exemple, comment dira-t-on « je voulais le voir » Ich. Ich wollte. Ich wollte. Es zu sehen. Attention, c'est un verbe porte-manteau. Avec ces verbes, on n'emploie pas « zu ». Ah oui. Donc, ich wollte. Ich wollte es sehen. Ich wollte es sehen. Mais je ne pouvais pas. Aber ich. Aber ich könnte. Könnte signifie pourrait. Ich könnte es nicht sehen. Ça voudrait donc dire je ne pourrais pas le voir. Ah d'accord. Mais si vous voulez dire je voulais le voir, mais je ne pouvais pas. Il faut employer konnte. Ich konnte es nicht sehen. Bien. Aber ich konnte es nicht sehen. Ich wollte es sehen, aber ich konnte es nicht sehen. Comment diriez-vous je ne pouvais pas attendre parce que je devais partir? Ich konnte nicht warten. Oui. Ich konnte nicht warten. Je ne pouvais pas attendre parce que je devais partir. Partir se traduit comme s'en aller. Weil ich gehen. Oui, gehen, aller, ou bien weggehen. Weggehen. Weggehen, ce serait s'en aller, partir. Donc, je devais partir se dira ich. Ich musste weggehen. Très bien. Ich musste, je devais. On a donc parce que je devais partir. Weil. Weil ich weggehen musste. Weggehen. Oui. Ich konnte nicht warten, weil ich weggehen musste. Et si vous voulez dire, j'aurais pu aller là-bas avec vous. J'aurais pu se dit. Ich hätte. Ich hätte, oui. J'aurais pu aller là-bas avec vous. Ich hätte. Mit Ihnen dorthin gehen können. Bien. Ich hätte mit Ihnen dorthin gehen können. Können. Oui, et vous auriez dû aller là-bas avec nous? Sie hätten mit uns dorthin weggehen. Vous n'avez pas besoin de dire weggehen. Gehen suffit. Gehen sollen. Bien. Sie hätten mit uns dorthin gehen sollen. Sie hätten gestern Abend, hier soir, ou à quelque moment que ce soit, mit uns dorthin gehen sollen.